du monde. Dans un premier temps, ils ont dit que c'est le mal. Mais après, ils ont trouvé c'est le bien. Oh non, non, le mal reste le mal. Et le bien reste le bien. Vous prenez une famille à la maison qui était sous une grande lumière de l'électricité. Après que le courant soit parti, dans un premier abord, il ne voyait rien. Tout est noir. Plus vous restez dans le noir, plus vous commencez à bien voir. Plus vous restez trop dans le mal, plus vous commencez à trouver cela bien. Attention. Ouh, le mal. Le bien reste le bien. Quand ils ont chanté, c'était comme le monde. Il y en a eu de ceux qui s'en sont soulevés. Mais après, c'est devenu normal. Non, non, non, le mal reste le mal. Ou le bien. Le bien.